Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à un nouveau commentaire médiatique sur le sujet d'Ebola. En ce moment, deux vaccins contre Ebola sont dans la phase de test. Le but est d'avoir pour juin 2015 un vaccin complètement testé et destiné à des vaccinations de masse. Des représentants de haut niveau de gouvernement, de l'industrie pharmaceutique et de sponsors ont décidé de ce programme lors d'une réunion de l'OMS à Genève, le 23 octobre 2014. Les fabricants prévoient une telle augmentation de production que d'ici juin 2015, des centaines de milliers de doses seront disponibles et d'ici la fin de l'année 2015, ce seront des millions de doses qui seront disponibles. Avec ces deux vaccins, et contrairement aux vaccins déjà connus, il s'agit là proprement parlé de vaccination génétique, aussi appelée vaccination vecteur. Comme l'a écrit récemment le journal allemand Pharmazeutische Zeitung, le vaccin serait basé sur un prétendu virus d'une grippe du chimpanzé. Ce virus serait modifié génétiquement par les scientifiques de telle façon que des parties de l'ADN du virus Ebola lui seraient intégrées. Pour ce qui concerne la prétendue existence de virus contagieux, nous vous renvoyons à notre émission du 31 octobre 2014, en allemand seulement, « Le virus Ebola, un fait ou un faux ?» Selon l'Institut national de santé des USA, NIH, l'organisme devait réagir par une réaction immune au gène inséré. Les publications actuelles du NIH sont très imprécises. Selon les déductions qu'en font dans un article l'opposant à la vaccination Daniel Trapitsch et le journaliste médical Michael Leitner, il est certain que l'ADN étranger qui a été modifié génétiquement sera transféré aux personnes au travers du vaccin. Il existait le danger, je cite, que cela soit intégré dans notre patrimoine génétique. Cela représente un signal d'alarme pour notre corps. Fin de citation. En fait, avec ces vaccinations génétiques, il s'agit d'une modification génétique appliquée à la personne vaccinée. Mais l'OMS et les médias principaux passent sous silence ces faits ainsi que les risques réels qui en résultent. Est-il nécessaire de mettre en garde contre ce vaccin expérimental? Cette question, ce ne sont pas seulement les experts de la vaccination qui se la posent. Jusqu'à présent, on a utilisé le génie génétique que pour les plantes et les animaux. Par les interventions ciblées dans leur ADN, ces plantes et ces animaux présentent par la suite de nouvelles caractéristiques. Pour les plantes, par exemple, ça peut avoir l'effet qu'elles deviennent toxiques pour certains insectes nuisibles ou bien qu'elles deviennent tolérantes à des pesticides très toxiques. L'entreprise Monsanto a développé un prétendu gène suicide qui rend une plante incapable de se multiplier. Ceci a pour conséquence que pour chaque nouveau semis, il faut acheter de nouvelles semences. En Inde, ce gène suicide a poussé environ 200 000 petits agriculteurs à la faillite et au suicide au cours des 10 dernières années. Dans notre rubrique sur le thème du génie génétique, nous avons fait un rapport sur les expériences et les dangers, la plupart du temps cachés, de la modification génétique. Voici un court extrait. Le scientifique américain Don Huber a fait un rapport sur un nouvel agent pathogène qui apparaît si on donne à manger aux animaux du soja OGM et du maïs OGM et qui rend les gens et les animaux malades. Aux États-Unis, plus de 10 000 personnes ont souffert de diarrhées et de vomissements causés par le dénommé maïs Starlink génétiquement modifié. Les aliments contenant le tryptophane génétiquement modifié sont responsables de 10 000 cas de maladies, dont 1 300 cas de paralysie permanente et 36 cas de décès. Dans l'émission Plus Minus, sur la chaîne ARD, le docteur Carrasco parle d'enfants en Argentine qui souffraient d'un développement anormal du cerveau dû à la substance toxique glyphosate. Mesdames et messieurs, à elle seule, cette énumération nous laisse deviner quelles conséquences dévastatrices peuvent avoir les modifications génétiques exécutées par le biais des vaccinations. Mais Michael Leitner voit approcher encore d'autres dangers. Il écrit, je cite, « Si une fois ces vaccinations contre Ebola sont généralement admises, ce sera probablement ensuite l'avenir de la vaccination parce qu'ils ont ainsi mis cette terrible épidémie d'Ebola sous contrôle. Par ce type de vaccination génétique, les nourrissons pourraient être génétiquement manipulés directement après la naissance. » Mesdames et messieurs, aidez-nous à diffuser ces informations. C'est uniquement par le dévoilement qu'on peut encore arrêter l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Bonne soirée.